Le vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, Kim Ki-nam et Kwak Pom-gi, ont visité le 3 décembre la résidence des délégués à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. Les cadres responsables du comité central du parti et de l'Union des travailleurs agricoles les ont accompagnés. Les visiteurs les ont félicités de la participation à la conférence grâce à leurs mérites accomplis pour le développement des structures de l'Union des travailleurs agricoles en rang fidèle au parti et au leader et pour l'application de la politique du parti en matière d'agriculture. Les délégués à la conférence sont arrivés ce jour-là à Pyongyang par train.